Bonjour à vous tous, merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Une enquête menée par le ministère de la Santé publique en 2020 montre que 5% de la population burundaise ont l'hépatite B, environ 10% souffrent de l'hépatite C. Ces statistiques ont été présentées ce mercredi à l'occasion du lancement par la première dame de la vaccination des femmes enceintes contre les hépatites virales. Et le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement explique les fortes amendes administratives infligées aux commerçants pour non-respect des prix officiels des différents produits par le souci de les dissuader de ne plus recommencer. Et en Provence et Chancuzo, quatre collines ont été brûlées depuis le début de la saison sèche, alors qu'à Kayanzal, on observe une quasi-absence de ces feux de brousse depuis le début de cette année. Et dans la chronique sur les messages de haine, un anthropologue nous dira quelle stratégie adopter pour réagir à ce genre de messages. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. La cour d'appel de Makamba a décidé ce mercredi de reporter au début du mois de septembre prochain le procès dans lequel le procureur AI de la République, Abururi, est poursuivi pour lésion corporelle volontaire simple contre une jeune fille de son voisin Nyanzalak au mois de mars 2021. Le siège a justifié cette décision par sa ferme volonté de rendre un jugement équitable après l'audition des témoins à des charges réclamées par Agricor Ndaitwayeko, accusé dans cette affaire. Le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement explique les différences observées dans les amendes administratives infligées aux commerçants qui ne respectent pas les prix officiels des différents produits qu'ils vendent. Martin Inherete, secrétaire permanent au sein de ce ministère, déclare qu'il s'agit du châtiment sévère, précisant que l'on va analyser ce que dit le code pénal sur les sanctions prévues pour ce qu'il appelle rébellion afin d'appliquer les dispositions pénales. On l'écoute. Nous avons des prix de certains produits, notamment le produit Braludi, le Sima Buseko et le sucre de Sosumo. Ces prix sont des prix dits administrés, c'est-à-dire que l'État s'est déterminé par rapport à ces prix-là. Mais celui qui ne veut pas respecter ça, il doit être sanctionné sévèrement. On a dit au gouverneur de province et administratif local, c'est tous les administrateurs communaux, de châtier très sévèrement ces gens-là. Pourquoi ? Parce que dans notre programme, on doit faire respecter la loi, on doit faire respecter la réglementation en vigueur. Si on balte quelle loi ? La première fois, on a dit les infliger des amendes. La deuxième fois, on a dit les infliger des amendes, même les récalcitrants, suspendre leur activité. La troisième phase, on va fouiller au niveau de la loi pénale s'il n'y aurait pas une disposition qui est violée au niveau de la loi pénale et on va l'appliquer également. Et les victimes des catastrophes naturelles en commune Muhuta, actuellement abritées dans le village de Mayengo, en commune et province Rumonge, se lamentent que 2 ans vont bientôt s'écouler sans être branchés au courant de la régie des eaux malgré la disponibilité des premiers équipements. Ces habitants qui estiment indispensable le courant électrique pour l'autodéveloppement demandent au gouverneur de Rumonge de s'y investir pour l'aboutissement de ce projet. Le gouverneur de Rumonge dit ne pas être informé de ce projet au moment où la régie des eaux à Rumonge dit que la gestion du financement de l'exécution de ce projet revenait à l'administration provinciale de Rumonge. Jean-Pierre Misago. Dans l'espoir d'une alimentation en courant électrique dans le village de Mayengo, abritant les victimes des catastrophes naturelles de la commune Muhuta, était né au début de l'année 2020 avec l'installation dans ce village d'un transformateur abaisseur de tension et des câbles basse tension. Cet espoir ne durera que le temps de la rosée car jusqu'à présent, les problèmes consécutifs au manque de courant électrique dans ce village font parler d'eux. Des problèmes aggravés par le vol des panneaux solaires à ceux qui s'en sont procurés. Rémi Vitalio, chef de ce village, dit que ce manque de courant électrique complique la vie de ses habitants, pourtant comptant dans ses rangs des filles et garçons, lauréats des écoles techniques et qui pourraient se retrouver facilement dans les activités nécessitant du courant électrique, notamment la soudure. Étienne, un autre habitant de ce village, demande l'implication du gouverneur de la province de Rumonge pour vider ce problème. Au niveau de la régie des eaux Centre Rumonge, l'on informe que le programme des Nations Unies pour le développement PNUDANSIGLE reste le garant de ce projet de l'électrification de ce village de Mayengo et l'administration provinciale gère les fonds alloués au financement de l'exécution de ce projet. Consolateur Nitunga, gouverneur de la province de Rumonge, dit ne pas être au courant de l'existence de ce projet sur lequel il promet des investigations. Jean-Pierre Misago, depuis Mayengo, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Deux hommes originaires de la colline Rouignigna en zone commune Kabarore de la province Kayanza sont sous les verrous au cachot du commissariat de police à Kayanza depuis le matin de ce mardi. Ils sont accusés de trafic frauduleux des mines de type cassiterite selon la police à Kayanza. La même source indique que ces fraudeurs arrêtés à bord d'un véhicule de transport en commun à destination de Bujumbura disent que ces mines proviennent de la province de Kirundo. Je vous l'avais dit dans les titres, 5% de la population burundaise ont l'hépatite B, environ 10% souffrent de l'hépatite C. Cela ressort d'une enquête menée par le ministère de la Santé publique en 2020. Ces statistiques ont été présentées ce mercredi lors du lancement de la sensibilisation des décideurs au cadre et cadre des différents ministères sur la lutte contre les hépatites. L'occasion aussi pour la première dame, Angeline Ndayishimiye, de lancer la vaccination des femmes enceintes contre les hépatites virales. Elle lance un appel à toutes les femmes enceintes de se faire dépister à temps. Elle a interpellé les partenaires à continuer à aider le Burundi dans la lutte contre ces hépatites virales, car les médicaments sont très chers. Et le représentant de l'OMS au Burundi, Dr Crespin Xavier, précise que cette organisation est prête à aider pour la prévention des femmes enceintes contre les hépatites. Suivez Dr Xavier Crespin. L'hépatite est une épidémie silencieuse qui représente une menace pour la santé des populations. En effet, plus de 90 millions de personnes vivent avec l'hépatite dans la région et plus de 124 000 Africains meurent chaque année des conséquences d'une hépatite non détectée et non traitée. Parmi les personnes infectées, 9 sur 10 n'ont jamais été testées en raison d'une sensibilisation insuffisante et d'un accès limité aux tests et aux traitements. La situation est aussi préoccupante chez les enfants, en ce sens qu'environ 4,5 millions d'enfants africains de moins de 5 ans sont infectés par l'hépatite B chronique, soit 70% de la charge mondiale de la maladie pour ce groupe d'âge. L'Organisation mondiale de la santé, en ligne avec les thèmes de l'année, l'hépatite ne peut pas attendre, à ajouter les mamans ne peuvent pas attendre également. Ceci constitue un appel pour une action urgente pour l'élimination de la transmission mère-enfant de l'hépatite B en Afrique. Pour ce faire, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique a, dans sa déclaration pour cette journée, lancé un appel aux pays pour intégrer la prévention de la transmission de la mère à l'enfant dans le paquet de soins prénatal, au même titre que la prévention de la transmission du VIH et de la syphilis, en insistant sur le dépistage des femmes enceintes au cours des consultations prénatales, mais aussi la délivrance du traitement préventif. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Environnement à présent, les collines de Kabeza, Musenyi, Rutoke et Kavumu, commune et province Tshankouzo, ont été brûlées depuis le début de cet été au moment où la plateforme provinciale de prévention des risques et des catastrophes s'est réunie ce mardi pour voir comment prévenir les feux de brousse. Le chef de cabinet du gouverneur de Tshankouzo dit que l'urgence est de mettre sur pied un comité de protection des aires reboisées. Il a mis en garde toute personne qui va s'aventurer à brûler le feu. Au total, a provoqué des feux. Au total, trois personnes de la commune Tshankouzo ont été emprisonnées pour avoir brûlé les collines de Kavumu, Rutoke, Musenyi, Raymond Mudende. Depuis le début de l'été, des faits de brousse se sont signalés ici et là dans certaines communes de la province Tshankouzo ou en commune Tshendajuru. Un hectare de superficie a été incendié, tandis qu'en commune Tshankouzo, 10 hectares des aires reboisées ont été emportés par les faits de brousse. Dans une réunion de la plateforme provinciale pour la prévention des risques et catastrophes tenue ce mardi, il a été remarqué que la province Tshankouzo fait l'objet de brûlures pendant la période estivale. Et par exemple, même ce lundi, la colère de Kareza a été brûlée deux fois. Certains membres de cette plateforme disent qu'il faut que les gens des alentours des collines reboisées soient vigilants pour pallier aux faits éventuels. Le chef de cabinet à la prochaine Kouzo, Pierre Clavel Nakumudiango, dit que l'urgence est de mettre sur pied un comité de protection des aires reboisées. Il a mis en garde toute personne qui sera accusée d'avoir brûlé les feux que des sanctions seront données conformément à la loi. La commune de Changuzo est celle où il y a une grande prolifération des feux de brousse, car les collines de Kareza, Mousseni, Kabumu et Utoke ont été brûlées durant ce même mois de juillet. Mais Chantal Yakose, administrateur de la commune Changuzo, dit que trois auteurs des feux de brousse ont été appréhendés. L'administration provinciale de Changuzo se dit satisfait des communes qui luttent contre les feux de brousse, à savoir la commune Kisagara, Kigamba et Mijiha. Depuis Changuzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond. Et la stabilisation permanente serait l'une des causes de la diminution des feux de brousse en Provence et Kayanza, d'après Léonce Mbissa Makoro, chef d'antenne provinciale au sein de l'Office Bourgondais pour la protection de l'environnement. Il fait savoir que ces deux dernières années, les éleveurs ont provoqué ces feux de brousse à la recherche du pâturage sur un espace forestier s'étendant sur une superficie de 2 à 5 hectares. Mais depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui, l'on n'a pas encore assisté à ce type de feu. Patrick Saint-Guillaume. Selon Léon Mbissa Makoro, chef d'antenne provinciale Kayanza au sein de l'Office Burundais pour la protection de l'environnement, en cette période sèche ces dernières années, il s'observait souvent en cette province des feux de brousse, ce qui n'en est pas le cas aujourd'hui d'après toujours lui. Son responsable à l'OBP antenne Kayanza donne l'exemple de l'an 2019 où ces feux de brousse ont ravagé un espace forestier s'étendant sur 5,5 hectares contre 2 hectares en Ndiwi et en commune Kabarole et en demi hectare en commune Rango l'année passée. Léon Mbissa Makoro fait savoir que ce feu de brousse était provoqué surtout par des éleveurs qui étaient à la recherche du pâturage pour leur bétail. L'apiculture moderne est aussi, d'après Léon Mbissa Makoro, l'une des causes de ce pas franchi. En ce qui est de la lutte contre le feu de brousse, qu'elle expliquait-il, l'apiculteur ne se sert plus du feu pour récolter du miel. En dépit de ce pas franchi, les responsables au sein de l'OBP et Kayanza se disent inquiets du défrichage des espaces forestiers par les agriculteurs qui se fait remarquer en cette province ces jours-ci. À cause d'une forte démographie en province Kayanza, on assiste à l'exiguïté des terres cultivables et les agriculteurs exploitent les forêts, ce qui peut les jours à venir impacter négativement sur le rendement agricole, ajoute Léon Mbissa Makoro. Son responsable à l'OBP Kayanza, de même que Adalan Nyonsaba, directeur du bureau provincial à Kayanza en charge de l'agriculture et l'élevage, tous demandent aux agriculteurs de bien vouloir planter des arbres qui cohabitent bien avec les cultures dans leurs propriétés foncières. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganilo. La sélection burundaise de football des moins de 23 ans s'est qualifiée pour la finale de la CECAFA Challenge Cup du fait que le sélectionneur a utilisé les joueurs qu'il maîtrise bien dans le championnat national Primus League. C'est l'analyse du journaliste sportif qui suit de près ces compétitions de la CECAFA. Achel Niyungere fait savoir que la finale entre le Burundi et la Tanzanie sera un match difficile. Car, explique-t-il, la Tanzanie remporte plus souvent la victoire face au Burundi. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianengendakoumana. Pour moi, c'était pas prévisible de battre le Kenya, mais ça a été fait. J'ai vu l'équipe nationale des moins de 23 ans. On fait un bon match contre l'Érythrée en battant 3 buts à 0. Ils ont éliminé l'Éthiopie, le pays hôte. C'était pas moindre parce que c'est une équipe qui sait jouer, qui sait bouger avec le ballon. Et surtout qu'ils jouaient à domicile, aussi le terrain qu'ils connaissent, le climat qu'ils connaissent. Je vois que le jeune Jimmy avait fait un bon match et surtout gagner le match contre le Kenya, ça a été une chose très difficile. Et qu'est-ce qui a permis la sélection burundaise de valider le billet de disputer la finale de ces compétitions? C'est la confiance du joueur et la confiance de l'entraîneur Jimmy Laizeye, qui n'a pas peur de n'importe qui parce que sélectionner une équipe de 23 dans plus de 1000 joueurs qui jouent la Primus League, ce n'est pas n'importe qui, mais il l'a fait. Et surtout, lorsqu'on a amené les joueurs qui viennent de l'Europe, il y avait 22 joueurs qu'on a amenés, ça a été une chose très difficile pour Jimmy. Parce que ce n'est pas n'importe quel entraîneur qui peut accepter une telle décision de prendre 4 joueurs dans 22 joueurs qui viennent de l'Europe. On pressent que les joueurs qui sortent des académies en Europe sont les mieux doués, qui peuvent bien montrer un bon football. Mais Jimmy a osé prendre la décision de prendre nos fils que 4 joueurs. Dans la finale, le Burundi va affronter la sélection tanzanienne. Quelles sont les attentes au sein de la finale? Au sein de la finale, les attentes, peut-être il y a de doute pour moi parce que c'est pas la première fois que le Burundi croise le fait contre la Tanzanie au senior et même au cadet au mois de 23. Il est temps que les joueurs peuvent même à remporter cette finale en battant la Tanzanie. Et seulement, il faut que Jimmy soit très conscient et programmé des joueurs qui peuvent se battre jusqu'à la fin. Achel Nyungere, il est journaliste sportif qui suit de près la compétition, la CECAFA Challenge Cup. En bref, avant la chronique sur le message de haine, ne pas prendre à la lettre tout ce que l'on dit sur le Burundi, c'est l'une des recommandations formulées par le président de la République à l'endroit des Burundais vivant à l'étranger. Lors de son introduction de la séance de moralisation, ce deuxième jour de la semaine de la diaspora, Évariste Ndayishimiye a indiqué qu'il vient à point nommé car il n'y a pas longtemps que le gouvernement actuel est en place, et d'où la contribution de la diaspora burundaise serait d'une grande importance à la mise en œuvre des programmes et projets de l'État. Et hors de nos frontières, l'association de rescapés du génocide rwandais Ibuka salue l'extradition par les Pays-Bas de Venant Rutunga. L'homme âgé de 72 ans a atterri lundi soir à Kigali. Il a été remis entre les mains des autorités du Rwanda où il est accusé d'avoir fait partie des cadres qui ont organisé le massacre des Tutsis dans le sud du pays en 1994. Il devient ainsi le troisième Rwandais soupçonné de crimes de génocide à être extradé par les Pays-Bas. Parle, rassure-moi. Et dans cette chronique sur la lutte contre les messages haineux, nous parlons aujourd'hui de la façon de réagir face aux messages de haine. Et c'est avec Lambert Hakuzi-Yaremye, il est anthropologue. Il dit que celui à qui ces messages sont adressés ne doit pas répliquer par les mêmes messages divisionnistes, mais il doit plutôt chercher à recadrer l'auteur de ces messages. Il l'a dit à Aubin Yonguru. Les messages divisionnistes sont devenus monnaie courante et dans la société et sur les réseaux sociaux. Comment savoir si ces messages sont de nature à provoquer une catégorie de gens? Lambert Hakuzi-Yaremye. Quand on essaie de voir, ce sont des discours qui visent à pointer du doigt une catégorie des individus et surtout pointer du doigt en essayant de remettre en cause l'image de cette catégorie des gens, et surtout en faisant des accusations d'une manière ou d'une autre pour montrer que ces gens-là ne sont pas des individus à qui on peut faire confiance ou bien les recoller des identités ou des crimes, tout ça. En fait, devant de telles situations, il est surtout très important de penser et réfléchir avant de réagir face à ce genre de messages ou à ce genre de discours. Pour réagir à ces messages, cet anthropologue indique qu'il ne faut pas imiter leur auteur. Au cas contraire, celui qui réplique au message de haine par le même message se range du côté de ceux qui promeuvent les violences. Quand un individu réagit en essayant d'imiter l'auteur du message qui vise à diffuser la haine, surtout on voit que cet individu-là n'a rien contribué pour ramener cet individu-là. C'est donc pourquoi, quand on lit des messages ou quand on écoute des discours, c'est lui qui va essayer de répliquer à ce genre de message ou à ce genre de discours, doit essayer d'utiliser un langage qui n'est pas aussi à susciter des émotions de l'individu à qui on a à écrire ou à dénoncer donc ce qu'il a écrit ou ce qu'il a prononcé comme discours qui vise à diffuser les gens. Lambert Hakuzi-Yaremye ajoute que quand il y a un problème au niveau de la société, qu'il faut plutôt s'attaquer à ce dernier que d'affronter les individus au risque de tomber dans la globalisation. Il faut surtout s'attaquer au problème parce qu'un individu qui diffuse un message, qui prône la haine, c'est parce que cet individu-là, il a un problème. Alors, quand vous voulez aider ou contribuer à la cohésion sociale des individus de la société, c'est bien quand même de s'attaquer à ce problème-là. Essayer de lui montrer que ce qu'il a dit, quand même, il s'est trompé. Et surtout, ce genre de message ou de discours, on le remarque quand il s'agit de coller des identités ou quand il s'agit de globaliser la responsabilité des uns ou des autres par rapport aux crimes du passé ou aux mauvais événements qu'a connu notre société. Donc, cet anthropologue conseille aux gens de ne pas se laisser emporter par les émotions dans leurs réactions. Merci Aubin Nyongourou et pour boucler définitivement ce journal. Revenons sur la séance de moralisation entretenue par le président Évariste Ndayishimiye à l'endroit de la diaspora burundaise présente au pays. Et Jérôme Hakizimana nous fait ce reportage. Dans son discours d'introduction de cette séance de moralisation, le président du Burundi se réjouit du fait que cette année, la diaspora burundaise a massivement répondu à la semaine qui lui est dédiée. D'ailleurs, pense-t-il, les étrangers ne pourraient en aucun cas visiter le Burundi si la diaspora burundaise ne le fait pas juste pour servir de modèle à ses premiers. Une année déjà en exercice, le président Évariste Ndayishimiye trouve que cette semaine de la diaspora vient à un moment opportun. Il leur a indiqué qu'ils sont presque au début et sont en train de mener un combat non négligeable de faire avancer le Burundi vers une autre étape dans le sens du développement. Toutefois, le président reconnaît que cela n'est pas chose facile, que ça demande surtout de rompre avec le mauvais passé et mieux préparer l'avenir. Son numéro 1 du pays leur a recommandé de ne pas écouter à la lettre tout ce qu'on parle au sujet du Burundi, surtout que ce dernier ne manque pas d'ennemis qui ne rêvent qu'à ternir l'image du pays. C'était ce jeudi, à la deuxième journée de la semaine de la diaspora. Voilà, c'était le reportage de notre confrère Jérôme Kizimana. Il est 13h18 minutes à Bujumbura et sur Isanganiro. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par François Akimana. Au micro, la voix est celle de Jean Bosco Nduimana. Passez un très bon après-midi.